Le tawahid des suiveurs de Faleh. Mes frères, cette époque est décidément l'époque de toutes les fitnas. J'ai lu une chose aujourd'hui que jamais je ne me serais imaginé lire. Rabbi al-Matrali a mieux compris le tawahid que le mufti Abdelaziz al-Sheikh. Je parcourais le forum des adorateurs de Faleh al-Harbi lorsque je tombais sur un post concernant la fatwa du mufti Abdelaziz al-Sheikh permettant de participer aux élections présidentielles en France. Mais le pire n'est pas là. Le surmom de l'égarement se trouve dans le commentaire qu'a fait l'un de ces mouchrikoun, et le mot est faible, je vous assure qu'il faut se pincer pour s'assurer et ne pas rêver. Les propos sont ceux d'un certain Abu Khalil al-Athari. Quant à Rabi al-Matrali, il avait décrété l'interdiction de participer aux élections algériennes sans se préoccuper des intérêts rappelés par l'imminent mufti qu'Allah le protège. Et si cela nous apprend quelque chose, c'est qu'il ignore le thème des intérêts et méfaits, et cela invite aussi à la révolte contre le détenteur de l'autorité, sa splendeur, le président Abdelaziz Bouteflika, et cela va propager l'animosité entre lui et son peuple. Fin de citation. Par Allah, mes frères, je ne reviens pas, même après l'avoir lu plus de 5 fois. Jamais je ne me serais imaginé que ces gens puissent tomber aussi bas. Regardez quel amour, quelle vénération pour ce chien galeux, cette puanteur, ce déchet, ce vomi satanique de Bouteflika qu'Allah le maudit, c'est le couvre de honte. Regardez aussi comment cet imbécile débile mental considère que le fait de désavouer la démocratie impie en ne votant pas pour la laïcité algérienne équivaut à se révolter contre le gouverneur, à l'instar des Khawarij. Ces gens préfèrent donner des associés à Allah que de désobéir à Bouteflika. Et pire que tout, le plus incroyable, cela nous montre que Rabbi al-Matrali, le Jahmi, l'allié du Tarout, a mieux compris le Tawhid que ces gens-là. Et dire que ce sont ces gens qui prétendent mettre en garde contre les Murji'a.